La Bible David Martin 1855. Le livre d'Osée le prophète. Osée chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, Jotham, d'Achaz et d'Ézéchia, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël. Au commencement que l'Éternel parla par Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme débauchée, et aide d'elle des enfants illégitimes, car le pays ne fait que commettre adultère, se détournant de l'Éternel. Il s'en alla donc, et prit Gomée, fille de Diblajim, laquelle conçut, et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle son nom Jisréel, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jisréel sur la maison de Jéhu, et ferai cesser le règne de la maison d'Israël. Et il arrivera qu'en ce jour-là, je romprai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Elle conçut encore, et elle enfanta une fille, et l'Éternel lui dit, appelle son nom Loruhama, car je ne continuerai plus de faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai entièrement. Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les délivrerai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les délivrerai point par l'arc, ni par l'épée, ni par des combats, ni par des chevaux, ni par des gens de cheval. Puis, quand elle eut sevré Loruhama, elle conçut, et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle son nom Lo-Ami, car vous n'êtes point mon peuple, et je ne serai point votre Dieu. Toutefois il arrivera que le nombre des enfants d'Israël, sera comme le sable de la mer, qui ne se peut ni mesurer, ni compter, et il arrivera qu'au lieu où on leur aura dit, vous êtes Lo-Ami, il leur sera dit, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Aussi les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront assemblés, et ils s'établiront un chef, et remonteront hors du pays, car la journée de Jisréel aura été grande.